Dixième chapitre, même date. Une aube brouillée, une mer baveuse, la fumée d'un transatlantique à l'horizon. Il y a donc des gens qui voyagent, qui vont vers un but, vers un désir, vers un rêve. Je me suis assoupi quelques instants. Ça, où en étais-je? Ah, parfaitement. La route de la caserne sous les étoiles. Il y en avait cette nuit-là par myriades. Et toutes, même les plus lointaines, brillaient d'un éclat insolent, d'un éclat cruel. J'aurais souhaité de pouvoir les éteindre d'un coup et rendre le monde à l'obscurité primitive, aux ténèbres d'avant la vie. J'avais en moi une haine sans bornes et qui s'étendait à l'univers entier. Mais c'était maintenant une haine calme, froide, résolue. Je poussai la grille. Au grincement qu'elle fit, Adèle accourut. « Comme tu es tard, miséricorde! Voilà près de 2 heures que Lilienne m'a dit avoir vu le bateau accoster. Je tremblais qu'il ne te fût arrivé malheur. » J'eus le courage de lui passer le bras autour de la taille. « Du malheur, ma chérie, j'ai bien peur qu'il y en ait un dans l'air. »« Hein ? » fit-elle. « Où cela ? Pourquoi ?» Elle avait frissonné de la tête aux pieds. Je murmurai. « Oui, j'en ai le cœur tout malade. Je te conterai la chose en soupant. » Dans la cuisine, nos deux couverts attendaient de part et d'autre de la table, dont la nappe de toile cirée réfléchissait le rayonnement doux de la lampe. Un cadeau de Loirne, cette nappe de fabrication américaine où, sur le vernis jaunâtre, étaient grossièrement dessinées, en pointillés blancs, des scènes de la Passion du Christ. Le logis avait son aspect habituel, sa paisible propreté un peu nue. Je fus presque fâché de constater que tout y était à sa place et de trouver aux meubles leur figure, leur attitude, leur lustre même de tous les jours. Le lit, sous sa courtine d'angle, entre ses immobiles rideaux de cretonne à fleurs, avait conservé sa blancheur grave, son air invitant et mystérieux. Adèle servit le potage au poisson, la cotériade, qui était une de nos nourritures accoutumées. « As-tu appétit ? Je ne sais trop. » Je m'appliquais cependant à manger pour avoir prétexte à garder les yeux plongés dans mon assiette. Je craignais, si je les levais sur ma femme, d'y laisser percer quelque étincelle des fureurs sans nom qui me consumaient. Le silence se prolongeait, scandé par le tic-tac indifférent de l'horloge. Ce fut Adèle qui le rompit. « Il doit être bien malade, en effet, ton cœur. Sais-tu que tu ne m'as seulement pas embrassé ?» Je m'essuyais les lèvres d'un geste rapide et, quittant mon siège, j'allais m'agenouiller contre le sien, le visage enfoui dans son tablier. Depuis nos jeunes nuits de Bodique et de Lantoir, je ne m'étais guère permis avec elle de ces abandons. Elle m'avait trop dit qu'il n'y avait pas de milieu chez moi entre la gaucherie et la brutalité. Cette fois, par exception, elle ne me plaisanta pas sur cet accès de tendresse, ni ne s'y déroba. Je sentis se poser sur ma nuque sa paume satinée. Une tiédeur voluptueuse s'exhalait de son giron. Je dus serrer les dents pour ne la point mordre à travers ses jupes. Un désir de cannibalisme m'agitait. J'aurais voulu avoir des crocs de bête pour les enfoncer dans sa chair et la déchiqueter, fibre à fibre, lambeau par lambeau. Je la devinais, de son côté, très inquiète, impatiente de sortir d'incertitude, quoique mes façons humbles et dolentes fussent déjà pour la rassurer à demi. Comme je ne me pressais point de m'expliquer, elle articula de son ton le plus prenant. « Allons, Goulven, épanche-toi, confie-moi ta peine. Un ennui de service, je parie, dont tu auras démesurément grossi l'importance. Je te connais si bien, et tu es si prompt à te faire des montagnes de tout, mon pauvre ami. » Elle avait dans la voix toute la douceur chantante des cariondices. C'était la même musique d'ensorcellement, le même timbre languissant et pur qui, dès la première rencontre, m'avait charmé. hormis qu'à cette heure, cela me semblait venir de plus loin que les temps et comme des berges d'une terre disparue. C'était le chant d'une Adèle morte, un chant confus et pâle, flottant aux limbes du passé. L'émotion que j'en éprouvais fut si poignante qu'impuissant à me contraindre davantage, je fondis en sanglots. « Voyons, voyons, Goulven, sois un homme !» dit-elle anxieuse et apitoyée. Et ma conscience répéta, mais dure, impérieuse, ainsi qu'un écho d'airain, « Sois un homme !» Je me reculai jusqu'à la pierre de l'âtre où je m'accroupis, les mains aux genoux, le front incliné vers le parquet. « Tu vas me trouver plus déraisonnable que jamais, » commençai-je. « Mais promets-moi, je t'en supplie, de ne point me gronder. Tout ce que tu voudras, pourvu que je sache enfin. » J'exhalai un fort soupir. « Voici. Tu te rappelles peut-être ce sou ancien qu'au moment de notre mariage encore, je portais au cou comme une médaille, ou mieux, comme une amulette, une petite chose assez sale d'ailleurs, toute rongée de vert-de-gris, comme j'en avais quelques dégoûts. Tu la quittas pour l'amour de moi, quoiqu'elle te vînt de ta mère. Oui, certes, je me rappelle. Et je me rappelle aussi l'histoire que tu me contas à son sujet. On a de singulières idées en Léon. Y croirais-tu toujours à cette histoire? Qu'est-ce que tu veux? Il y a des maladies de naissance dont on ne guérit jamais. Et alors, ce sou mirobolant? Ne te moque pas d'elle. Il a parlé. Je lui narrai tout d'un trait et sans omettre un détail. L'aventure de la nuit du 2 mars à Gorlébella. Lorsque j'en fus à lui dépeindre le cauchemar qui m'avait crucifié jusqu'à l'aube, et comment, au réveil, je m'étais presque prise à souhaiter le trépas de ma mère, elle eut un sursaut qui la pencha vers moi d'un mouvement rapide et passionné. « C'est pourtant vrai, prononça-t-elle, que tu m'as constamment aimée d'un grand amour. Il n'y a pas de femme plus fortunée que moi. Je le dis à qui veut l'entendre, Goulven. » Je fus sur le point de crier comme au toucher d'un fer rouge. Ce n'est qu'au bout d'un instant que je pus reprendre. Il ne faut pas m'en louer, Adèle. Si le culte que je t'ai voué s'en allait de moi, plus rien d'autre n'y subsisterait. Lui parti, ce serait pis que la mort. Ce serait le néant. Mais tu es là, vivante et bien portante, Dieu merci. Dis hardiment, fit-elle. Que jamais je ne me suis connue une santé aussi florissante. D'ailleurs, il n'y a qu'à me regarder. Mes yeux, que je m'étais efforcée de tenir baissés, à ce moment m'échappèrent et la parcoururent malgré moi, depuis les fines attaches de ses pieds jusqu'à la cambrure de son buste, où sa gorge un peu haute s'enflait d'un frémissement harmonieux de vagues amères montantes. Ah, les Morganes fabuleuses des légendes de son damné pays! Elle en avait bien en elle toutes les séductions, toutes les perversités et toutes les traîtrises. Je poursuivis. C'est parce que j'ai été tout de suite tranquillisée en ce qui te concerne que des remords m'ont assaillie sur un autre point. J'ai beaucoup à me reprocher envers ma mère Adèle. Elle repartit légèrement gouailleuse. Pour ce qu'elle s'occupe de nous, ta mère, je ne me pardonnerai pas de la perdre sans l'avoir revue. « Oh bien, si ce n'est que ça !» s'écria-t-elle dans sa joie égoïste de se sentir complètement hors de cause. Sa figure s'était illuminée, mais aussi vite, en comédienne habile, elle changea l'expression de ses traits et l'intonation de sa voix pour reprendre. Ne crois pas que j'ai voulu dire une méchanceté, Goulven. Non, à ta mine abattue, à tes paroles, je m'étais imaginé. Ton sou de malheur, je n'ai qu'un regret. C'est de ne te l'avoir pas arraché jadis pour le jeter à la mer. Cela nous eût évité cette sotte émotion. Je suis persuadée que la vieille Dénesse a des années encore à me bouder d'être devenue ta femme. Mais ce que j'en dis n'est pas pour t'empêcher de te rendre en Léon. Au contraire, j'entends que tu fasses le voyage. Si même je ne savais que ma seule vue serait capable de donner raison à ton talisman diabolique en occasionnant une maladie à ta mère, je t'aurais offert de t'accompagner. On n'est pas plus gentille, je pense. Très gentille, en effet, mon Adèle, tu es toute gentille. » Elle s'était levée pour desservir la table, et tout en allant et venant à travers la chambre de son pas souple. « Oui, oui, le mieux est que tu partes. Il n'y a que ce moyen de te mettre l'esprit en repos, et puis ça te fera du moins des vacances. Les miennes l'an dernier m'ont été si profitables. Il est juste que tu aies ton tour. » Ces vacances! De quel front sans vergogne elle en parlait, la coquine! Je dus me pincer les lèvres pour ne point lui cracher à la face le nom du Louarn. Elle aussi, ses souvenirs de Tréguier l'avaient reporté vers son amant, car elle ajouta « Par exemple, au retour, attends-toi à ce que nous te plaisantions un peu avec Hervé. » « Oh, répondis-je, je ne serai pas le dernier à rire avec vous s'il se trouve par bonheur que le sou ait menti. Je t'ai dit la gageure qu'il m'a presque contraint de faire avec lui, ce loustique d'Hervé. Eh bien, pour une noce de famille, c'en sera une. Je veux qu'il crève d'indigestion si c'est à moi de payer. Quant à toi, tu ne devineras jamais ce que je te réserve. Quoi donc ? » fit-elle sans se retourner, en achevant de ranger les assiettes dans le dressoir. « Une chose que tu as toujours sollicitée en vain jusqu'à présent, la réalisation d'un de tes rêves les plus... Oui, enfin, tu verras, j'ai mon projet. Je ne te le confie pas d'avance. Avec ma guigne habituelle, ça suffirait pour le faire rater. » « Comme pour Kermorvan, » dit-elle en riant clair. « C'est bien, garde ton secret. » Elle n'avait pas la moindre curiosité de l'apprendre. Est-ce que tout ne lui était pas indifférent qui pouvait lui venir de ma part? Et la seule satisfaction qui dépendit encore de moi de lui procurer, n'était-ce pas précisément de la débarrasser au plus vite et pour le plus longtemps possible de ma personne? Quand as-tu l'intention de partir? Interrogea-t-elle. C'est vrai, balbutiai-je d'un ton humble, je ne t'ai pas dit. « Avant de voler vers toi, j'ai fait le grand détour par Kerudavel. Je voulais m'informer si le charaban était libre. C'est même cela qui a été cause que je suis rentrée si tard. Et alors ? Jonathan a justement demain, vendredi, deux veaux à conduire au boucher de Pont-Croix et s'offre, les bêtes livrées, à me véhiculer jusqu'à Quimper. J'ai promis de lui rendre réponse dès ce soir, après que je t'aurai consulté. Comment ? Et tu es encore là, sans plus bouger que la pierre sur laquelle tu es assis? Mais va, mon ami, dépêche-toi, si tu ne veux pas les trouver tous endormis comme des souches à Kerudavel. Moi, cependant, je te préparerai du linge et brosserai tes hardes propres, puis je t'attendrai dans nos draps, pour qu'après la fraîcheur du dehors, tu aies au moins une place chaude. » Elle avait ouvert la porte toute grande sur la nuit. « Dieu, que d'étoiles ! » s'écria-t-elle. Et me montrant du doigt le fond du firmament, « Quelle est donc celle qui brille là-bas d'une clarté si blanche, droite au-dessus de Gorlébella ?»« Vénus, je crois, » répondis-je de l'air le plus innocent du monde en franchissant le seuil de la maison. Je tournais le pignon nord de la caserne et m'acheminais vers la grille, mais je ne la passais point, me contentant de repousser le battant avec force, comme si je le refermais derrière moi. Puis, après avoir piétiné quelques instants sur le sol pour simuler la cadence d'un pas qui s'éloigne, je me glissais dans l'ombre du mur d'enceinte jusqu'à l'autre extrémité du principal corps de logis où donnaient les fenêtres de Lilienne. Ce manège de rôdeur nocturne qui, la veille encore, m'eût paru incompatible avec mon caractère, j'y goûtais à cette heure une espèce de jouissance farouche et d'âcre volupté. Les circonstances venaient de réveiller en moi le démon héréditaire, l'esprit de ruse de mes aïeux paternels, les durs paganistes de l'Abervrac, réputés naufrageurs subtils et grands dépisteurs de gabelous. On désigne par ce nom de paganistes ou païens les populations de mœurs encore rudes et primitives, qui occupent, sur le littoral léonais, les territoires de Plouguerneau, de Plounéour-Trèze, de Kerlouan et de Guisseny. Les volets des chevantons étaient clos, mais en y collant l'oreille, je perçus à l'intérieur une mélopée d'oraisons. La sauvagesse vaquait à ses dévotions du soir auprès de sa canaille endormie. Je me traînais en rampant vers les marches du seuil, et par le trou de chat pratiqué dans le bas de la porte, j'appelais à voix sourde. « Madame Tumette, s'il vous plaît, Madame Tumette !» Le fredon cessa. Lilienne m'avait entendu. « C'est donc vous, monsieur Dénès ?»« C'est moi. » Elle tira doucement le verrou et m'introduisit dans la pièce. C'était la première fois que je pénétrais chez elle. Je demeurais tout suffoqué, d'abord par l'odeur d'étable humaine qu'on y respirait, renforcée de je ne sais quel relent de saumure. Impossible d'ailleurs d'imaginer un Capharnaüm plus étrange. Aux solives pendaient pêle-mêle des grappes d'oignons, des tourteaux de graisse, des quartiers de porc, des chapelets de poissons séchés. Une paire de rames, toutes velues de mousse marine, était appuyée contre l'armoire. Un ancien coffre de matelot, privé de son couvercle, contenait une provision de pommes de terre. Les meubles sentaient la crasse, la moisissure, le délabrement. Du lit à deux étages où les enfants étaient couchés, des mèches de varech s'échappaient par les déchirures des paillasses. Je n'avais pas idée d'un pareil désordre, d'une pareille saleté. Il fallait vraiment qu'ils crevassent les yeux pour que j'y fisse attention en un tel moment. La Cheventon elle-même éprouva le besoin de s'en excuser. « Avec une ribambellée de marmaille, vous savez, on n'arrive pas à tenir propre. » Comme je cherchais des yeux où m'asseoir, elle essuya le banc près de la table avec le revers de son tablier. « Au surplus, reprit-elle, on dit chez nous, à Lille, que conscience nette vaut mieux que mobilier luisant. » L'allusion était directe. « C'est aussi un proverbe léonard, répondis-je. » Et brusquement, « Je suis venu en me cachant comme un voleur. Ma femme me croit sur le chemin de Kerudavel. Alors, si vous voulez bien, vous allez tout me dire, Madame Tumette. Tout. »« Ah » fit-elle, en humectant ses doigts de salive pour moucher la chandelle de suif qui brûlait entre nous sur la table. « Vous ne mettez donc plus en doute ma parole de chrétienne, maintenant ?» Ses pupilles brillaient dans sa face de noiraude, comme ces phosphorescences verdâtres qui s'allument les nuits d'orage dans la mer. « Allez, de grâce » suppliai-je, « le temps presse. » Durant une heure d'horloge, elle compta mon ingénieur. J'avais souhaité de tout entendre, et pas un détail en effet ne me fut épargné. La sauvagesse me fit boire ma honte goutte à goutte, jusqu'au dernier filet de lit. Du jour, déclarait-elle, où elle avait appris le remplacement de Hamon par un trécorois, un pays de la chefesse, elle avait flairé le mal, la trahison déjà consommée. En voyant paraître le nouveau gardien, elle en avait été sûre. « Rappelez-vous, ce soir-là, monsieur Goulven, vous étiez en extase, comme un enfant devant le perroquet. » Eux, cependant, leurs yeux se riaient d'amour par-dessus la table. C'était la volonté de Dieu que je fusse à les observer derrière les vitres. Dès lors, elle les avait suivis, guettés, épiés pas à pas. Elle s'était attachée à eux comme leur ombre. Toujours présente et jamais visible, elle avait été de moitié, en quelque sorte, dans leur tête-à-tête, recueillant leurs propos, comptant leurs baisers. Dans le principe, ils avaient été prudents. Nulle part on ne les rencontrait ensemble, si ce n'est à la caserne pour les repas. Encore faisait-il exprès de manger la fenêtre ouverte. Autrement, ils vivaient séparés. Louarn bricolait, taillait des bateaux pour les mioches, ou fainéantait avec les douaniers de garde sur la falaise, en jouant aux cartes et en fumant des pipes. La chefesse, à son habitude, flânait, lisait, brodait. Et, les après-midi de soleil, s'en allait comme par le passé en promenade du côté de Saint-Ay. « Oui, et elle agitait vers vous son mouchoir, n'est-ce pas, monsieur Goulven ? Et vous vous disiez apparemment, comme elle est fidèle au rendez-vous, ma petite femme chérie, et comme elle-même. Ce mouchoir-là, monsieur Goulven, ce n'était plus pour vous qu'on le secouait dans l'air. Je m'en étais vite aperçu, moi qui vous parle. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est mon gagne-pain de fréquenter les grèves. Chiffonnière d'épave, soit. Il n'y a pas de saut métier, et celui-là vous fait la vue, je vous le garantis. Ce n'est pas pour me glorifier, mais à 400 pas, je distingue une couvée de mouettes dans un trou de roche. Je reconnais même les gens par nuit noire, vous m'en êtes témoin. À plus forte raison, au jour baissant, comme en ce soir de mai, veille de l'Ascension, où, pour la première fois, je l'ai surprise en train de pêcher. J'avais quitté la caserne plutôt que d'ordinaire, afin d'atteindre, avant le crépuscule, les parages du nord, derrière le vent. C'était saison de forte marée, et je savais que la cueillette là-bas promettait d'être bonne. J'étais parvenu au sommet du promontoire, et je longeais depuis quelque temps la crête, lorsque, au-dessous de moi, à mi-pente, je vis une forme d'homme immobile, dont la casquette de toile grise me fut tout de suite un signalement. C'était Loarn, les mains en visière, il regardait fixement dans la direction de Saint-Ay. J'eus une idée soudaine. Tiens, tiens, mais non, pensais-je, il n'aurait tout de même pas ce front, la Tricoroise et son Tricoroi. Eh bien si, monsieur Goulven, ils avaient osé cela, les sacrilèges, de choisir l'enclos d'un saint pour s'y livrer à leur chiennerie. Après ça, convenez que dans toute la région, ils n'eussent su dénicher un coin plus propice. Songez donc, une herbe fine, drue, veloutée comme un satin, à peine foulée une fois l'an aux messes de pardon par le pied des hommes, si sacrée pour les bêtes elles-mêmes que les oiseaux de mer, à ce qu'on dit, ne voudraient pas la souiller de leur fiente. Un mur de ronde assez élevé pour abriter des vents du large, et des longues vues de Gorlébella, partout alentour la solitude vaste. Jamais un passant. Un paradis terrestre, quoi. Oui, monsieur Goulven, et le soleil n'avait pas fini de disparaître dans les eaux de Cinq, du haut de la falaise, j'assistais, pétrifié d'indignation et de scandale, à la conversation d'Ève avec le serpent. Je vous traduis de mon mieux le breton de Lilienne, mon ingénieur. Je pourrais aussi bien vous reproduire de mémoire son récit tout entier, mais à remuer cette tourbe, l'ancienne nausée me reviendrait. Qu'ajoutez d'ailleurs que vous ne pressentiez? Après l'adultère à ciel ouvert, ce fut l'adultère en chambre, chez Loarn, ce fut l'adultère à domicile, jusque dans mon propre lit. Dame, ce n'est pas tentant l'hiver de s'aimer dehors, surtout quand on a logis clair, feu de motte, couette de plumes et drap blanc. Sans compter qu'elle aurait pris mal la chefesse à braver la bourrasque de novembre ou la bise de janvier. Bon pour une chevanton d'être à courir les sentiers de grève par des temps pareils. Ah, elle s'en est donnée du Loarn votre moitié de ménage. À la fin, les nuits même ne lui suffisaient plus. Ce n'est pas Adèle, c'est Aès qu'elle se nomme votre femme. Aès la stérile, Aès l'inassouvie. Et s'il vous faut des chiffres, s'il vous faut des dates, tenez. Ce disant, elle arrachait un almanach épinglé à la muraille et le jetait devant moi sur la table. Il était criblé par places de croix à l'encre. C'était son registre d'observation, son livre d'espionnage, patiemment rédigé jour à jour. « Faites le total » ricana-t-elle. Je balbutiai. « C'est bien, c'est très bien. »« Oh, j'ai mieux à vous montrer, monsieur Goulven !» Elle tira de la poche de sa jupe une clé rouillée. « Du temps de Hamon, c'est moi qui m'occupais de sa chambre dans la tourelle, et il m'avait remis ce double passe que j'ai conservé. Ne me demandiez-vous pas des preuves tantôt? Vous allez être servi. Pensez-vous que votre femme soit couchée? On peut voir. Ne bougez pas, je vais sortir avec mon fanal, comme si je me rendais au Pinzé, à la quête des épaves. » Son absence ne dura pas 2 minutes. « Elle dort, la tête au mur. Venez !» J'obéis, le cœur serré d'une indicible épouvante. Il me semblait suivre une sorcière vers quelque monstrueux sabbat. Devant nous se dressait, mystérieuse et funèbre dans la nuit sans lune, la tour de l'ancien phare désaffecté.